Bonjour et bienvenue dans la cinquième séquence du cours sur l'économie du web. Cette séquence, la dernière de la partie sur les notions, en tire les conséquences en montrant comment le jeu des particularités économiques de l'information que nous avons vu, jeu sur le contexte historique et jeu aussi sur les marchés qui sont ouverts, a conduit à configurer des modèles stables pour les médias et continue d'orienter les mouvements sur le web en testant des modèles nouveaux, inédits, adaptés à sa configuration. Il s'agit donc bien d'une conclusion qui synthétise les apports des séquences précédentes. Pour nous entraîner à raisonner sur les modèles du web, comme nous le ferons dorénavant dans les séquences prochaines, l'actualité nous gâte. Je vous propose en effet d'examiner la tentative d'entrée en bourse de Twitter, dont les éléments viennent juste d'être déposés la semaine dernière. Peut-être serez-vous alors tenté d'acheter quelques actions, ou peut-être au contraire, pas du tout. Mais une entrée en bourse est toujours un moment révélateur des stratégies et il ne faut pas rater l'opportunité d'en tirer collectivement les leçons. La fin d'une période de cours est aussi toujours l'occasion de rendus de travaux. Ils sont rappelés dans le billet, ne les oubliez pas. Donc, eh ben, comme d'habitude, bonne lecture, bonne réflexion et bonne discussion. Je suis curieux de lire vos analyses et vos travaux, et tout spécialement celles de Twitter. Au plaisir donc de vous lire une nouvelle fois.